dans les générations. Les vies s'écoulent sous le poids du temps. Il engendra et il mourut comme le battement lourd des ans. Mais au milieu de la longue lignée, une lumière perce soudain. Enoch marche avec toi et la mort ne pose pas sa main. Au milieu des jours ordinaires, tu ouvres une route extraordinaire. Apprends-nous à marcher avec toi, jour après jour, sans détour. Même quand tout semble identique, nous voulons suivre ton amour. Apprends-nous à marcher avec toi, dans le bruit et dans le silence. Comme Enoch, nous voulons te suivre jusqu'à disparaître dans ta présence. Les années passent, les hommes tombent, mais ton projet ne meurt pas. De génération en génération, tu fais grandir l'arbre de tes pas. Et nos vies aussi sont comptées dans ce long souffle du temps. Mais celui qui marche avec son Dieu n'est jamais prisonnier du néant. Apprends-nous à marcher avec toi.